Je rêve encore d'avoir le jack sans langue. On te fournit cette cam en avant. Pas le temps pédé, big black et sans deux filles. L'oseille fait des bas et vient comme son cavus. Dans la breu, t'as capté, j'suis doué. Gassi, chamito, pas t'es croué. J'bois la taille, j'me nique le foie. J'ai libéré chaîne, toujours plus de bénéfices que la veille. T'es mort si j'sors mon flingue de son étui. Si t'as trahi, tu l'appelais mon négro. Pull up dans le black des Sénégaux. On en casse, t'as albin et péché. Le plus fort est toujours le plus glauqué. Le nez dedans c'est pas facile. Et tu sais qu'elle vient juste pour ta régime. Elle kiffe la weed et le sexe. Tes dettes si tu payes pas tes dettes. Elle kiffe la weed et le sexe. Tes dettes si tu payes pas tes dettes. J'aurais beau j'te prends dans n'importe quel sens. J'rêve encore d'avoir le jackpot. Non non non. J'ai plus aucune limite, j'ai plus le temps, on voit les euros. Calibre tout le manteau, on a gardé la montagne. J'ai plus aucune limite, j'ai plus le temps, on voit les euros. Calibre tout le manteau, on a gardé la montagne. On voit les euros, on voit les euros. On voit les euros, on voit les euros, non, non. On voit les euros, on voit les euros. Dans ma boîte, t'as qui est heureuse. On voit les euros, mets tout dans le sac. J'te la mets même pas si t'es tout sec. Bienvenue dans le bend, dans mon hood. Ne t'approche pas si t'es pas du game. On a gardé la menthe, t'as la même haine. Les mêmes glaces, elle a pas su, c'est donc elle a le seul. J'ressors du labo avec 5 litres. Envoie la monnaie, les dollars. J'en passe une pour tous mes tollards. J'suis ni Mathilde et j'la traumatise. Elle veut pas rester quand y'a rien à fumer. J'suis au fond de ta garde dans tous les refous. T'as baissé ton prix, négro, j'suis refait. Jour de paye dans mon cap, j'en remets. J'ai au juif quand je la remue. J'appelle saute ça pour une relance. Pédale, essaye de suivre la cadence. Ça va être bang, bang, bang. J'suis rebou, j'te prends dans n'importe quel sens. J'rêve encore d'avoir le jackpot, non, non, non. J'ai plus aucune limite, j'ai plus le temps, on voit les euros. Calibre tout le manteau, on a gardé la montagne. J'ai plus aucune limite, j'ai plus le temps, on voit les euros. Calibre tout le manteau, on a gardé la montagne. On voit les euros, on voit les euros. On voit les euros, on voit les euros, non, non. On voit les euros, on voit les euros. Dans ma boîte, t'as qui est heureuse.